Mais la Vierge au bras blanc le regarda et dit « Tu sais bien, étranger, car tu n'as pas la mine d'un sot ni d'un vilain, que Zeus, de son Olympe, répartit le bonheur aux vilains comme aux nobles, ce qu'il veut pour chacun. S'il t'a donné ces maux, il faut bien les subir. Mais puisque te voilà en notre ville et terre, ne crains pas de manquer, ni d'habits, ni de rien que l'on doive accorder, en pareille rencontre, aux pauvres suppliants. Vers le bourg, je serai ton guide et te dirai le nom de notre peuple. C'est à nos Phéaciens qu'est la ville et sa terre, et moi, du fier Alcinoos, je suis la fille, du roi qui tient en main la force et la puissance de cette Phéacie. » Aux servantes bouclées, donnant alors ses ordres. « Mes filles, revenez! Jusqu'où vous m'êtes en fuite la seule vue d'un homme? Avez-vous donc cru voir l'un de nos ennemis? Il n'est pas encore né, jamais il ne naîtra. Le foudre qui viendrait apporter le désastre en pays phéacien. Les dieux nous aiment tant. Nous vivons à l'écart, et les derniers des peuples, en cette mer des houles, si loin que Nurmortel, n'a commerce avec nous. Vous n'avez devant vous qu'un pauvre naufragé. Puisqu'il nous est venu, il doit avoir nos soins. Étrangers, mendiants, tous nous viennent de Zeus. Allons, femme, petite aumône, grande joie. Donnez à l'étranger de quoi manger et boire. De nos linges lavés, donnez à l'étranger une écharpe, une robe, puis, à l'abri du vent, baignez-le dans le fleuve. » Elle dit. Aussitôt, s'engageant l'une l'autre, ces femmes revenaient, et l'ordre fut rempli, comme avait ordonné Nausicaa, la fille du fier Alcinoos. Quand Ulysse, à l'abri du vent, fut installé, on posa près de lui une robe, une écharpe, pour qu'il pût se vêtir, et la fiole d'or contenant l'huile claire. On l'invita au bain, dans les courants du fleuve. Mais le divin Ulysse alors dit aux servantes, « Éloignez-vous, servantes, je saurai, sans votre aide, me laver de l'écume qui couvre mes épaules, et moindre de cette huile que depuis si longtemps ma peau n'a pas connue. Mais devant vous, me mettre au bain, je rougirai de me montrer tout nu à des filles bouclées. » Il dit, et s'écartant, les femmes s'en allaient informer la princesse. Quand le divin Ulysse, puisant aux eaux du fleuve, eut lavé les écumes, qu'il eut plaqué les reins et le plat des épaules, quand il eut de sa tête essoré les humeurs de la mer inféconde, et qu'il se fut plongé tout entier, frotté d'huile, il mit les vêtements que lui avait donnés cette vierge sans maître, et voici qu'Athéna, la fille du grand Zeus, le faisant apparaître et plus grand et plus fort, déroulait de son front des boucles de cheveux au reflet d'Hyacinthe, tel un artiste habile, instruit par Héphaïstos et Pallas Athéna de toutes leurs recettes, coule en or sur argent un chef-d'œuvre de grâce. Tel Athéna versait la grâce sur la tête et le buste d'Ulysse. Lorsqu'il revint s'asseoir à l'écart sur la grève, il était rayonnant de charme et de beauté. Aussi, le contemplant, Nausicaa disait à ses filles bouclées, « Servantes aux bras blancs, laissez-moi vous le dire. Ce n'est pas sans l'accord unanime des dieux, des maîtres de l'Olympe, que chez nos Phéaciens divins cet homme arrive. Je l'avoue, tout à l'heure, il me semblait vulgaire. Maintenant il ressemble au dieu des champs du ciel. Puissais-je à son pareil donner le nom d'époux, s'il habitait ici, qu'il eût plus d'y rester? Mes filles, portez-lui de quoi manger et boire. » Elle dit. À sa voix, les filles empressées posaient auprès d'Ulysse de quoi manger et boire. Avidement alors il but, puis il mangea, cet Ulysse divin. Tant de jours il était resté sans nourriture, le héros d'endurance. Mais la Vierge au bras blanc, poursuivant son dessein, ordonnait de charger dans la belle voiture tout le linge plié, puis d'atteler les mules au pied de cornes dures, et, montée sur le char, elle invitait Ulysse en lui disant tout droit, « Allons, debout, notre hôte, il faut rentrer en ville. Je m'en vais te conduire au manoir de mon père. C'est un sage, et chez lui, tu pourras voir, crois-moi, la fleur des Phéaciens. Mais écoute-moi bien, tu parais plein de sens. Tant que nous longerons les champs et les cultures, suis, avec mes servantes, les mules et le char. Vous presserez le pas, je montrerai la route. Ne parle aux Phéaciens. Il me faut éviter leurs propos sans douceur, car il ne manque pas d'insolents dans ce peuple pour blâmer par derrière. Il suffirait qu'un plus méchant nous rencontrât. Ah, je l'entends d'ici. Avec Nausicaa, quel est ce grand bel hôte? Où l'a-t-elle trouvé? Elle se marie pour elle? Est-ce un errant qu'elle a recueilli du naufrage? D'où peut-il bien venir? Nous sommes sans voisins. Le dieu de son attente est-il à sa prière, venu du haut du ciel pour la prendre à jamais? Tant mieux qu'en s'est tournée, elle est enfin trouvée au dehors un mari. Elle allait méprisant tous ceux de Phéasie qui demandaient sa main. Et pourtant, elle avait, et le choix et le nombre. Voilà ce qu'on dirait. J'emporterai la honte. Moi-même, je n'aurai que blâme pour la fille en cette conduite. Quand on a père et mère, aller à leur insu, courir avec les hommes, sans attendre le jour des noces célébrées. N'hésite pas, mon hôte, entre dans mes raisons, si tu veux obtenir que mon père, au plus tôt, te fasse reconduire. Sur le bord du chemin, nous trouverons un bois de nobles peupliers. C'est le bois d'Athéna. Fais halte en cet endroit. Tu t'assieras, le temps que traversant la ville, nous puissions arriver au manoir de mon père. Puis, lorsque tu pourras nous croire à la maison, viens alors à la ville. Demande aux Phéaciens le logis de mon père, du fier Alkinoos. C'est facile à trouver. Le plus petit enfant te servira de guide. Dans notre Phéacie, il n'est rien qui ressemble à ce logis d'Alkinoos, notre seigneur. Elle le dit, et du fouet luisant, poussa les mules. En vitesse, on quitta la ravine du fleuve. Au trot parfois, aux grands pas relevés, Nausicaa a mené sans abuser du fouet, pour que les gens à pied, Ulysse et les servantes, puissent suivre le char. Au coucher du soleil, ils longeaient le fameux bois sacré d'Athéna. C'est là que le divin Ulysse, ayant fait halte, implora sans tarder la fille du grand Zeus. Fille du Zeus qui tient l'égide, Athéna, exauce ma prière. C'est l'heure de m'entendre, ô toi qui restas sourde au cri de ma détresse, quand j'étais sous les coups du glorieux Seigneur qui ébranle la terre. Fais que les Phéaciens m'accueillent un ami et me soient pitoyables. C'est ainsi qu'il priait. Athéna l'exauça.